Tornade de Camille Collère. 35e épisode. Famille virtuelle. La vie de famille, c'est un joyeux bazar et c'est ça qui est sympa, hein. Les gosses, ça braille, ça brasse, ça bouscule. Mais par moments, ce qui me manque, c'est la capacité à être toute seule, sans bruit, sans chahut. En tant que mère, pouvoir être déconnectée 5 minutes de ma famille. Et c'est ça que j'aime bien dans Facebook. Être entourée de plein de gens, mais en restant peinarde, toute seule. Calme-toi, calme-toi. Arrête. Bon, Brigitte, on couche tes gosses, là, parce que ça part en vrille. Hein. Ouais, ouais, bah, vas-y, j'arrive. Tu fais quoi, là? Tu viens? Oui, 2 secondes, je regarde un truc sur l'ordi. Mais c'est pas vrai, quoi, y a pas moyen d'être tranquille 2 secondes dans cette maison. Oh, maman, elle est sur Facebook. Non, mais c'est pas possible, t'es encore scotché sur Facebook. Eh, mais t'arrêtes plus, toi, depuis que t'as découvert le monde virtuel. Oh, Brigitte, là, hey, back to real life, hein. C'est l'heure de coucher les enfants, là. On peut avoir une histoire? Ouais, bah, welcome to real life, Paul Tornade. Tu peux aussi les coucher, toi, les enfants, dans ton monde réel. Tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses. Ah ouais, allez, c'est facile, ça. Non, mais écoute, je me les coltine toute la semaine, je passe 10 minutes sur Internet et tu me fais un flanc sur la vie réelle. Ça va, merci, je suis bien placée pour avoir les deux pieds dans la vraie vie. Une histoire. Non, mais c'est pas ce que je dis, c'est juste que c'est pas hyper sympa pour la vie de famille que tu sois devant ton écran là. Non, mais alors, parce que tu crois que toi c'est sympa pour la vie de famille que tu rentres du boulot à je sais pas quelle heure. N'importe quoi, quel rapport là. Oui, ça va, 2 secondes, Anatole, on va te la lire ton histoire. Tu vois bien que maman est occupée là. Mais enfin, mais comment vous feriez si j'étais pas là? Tu peux pas gérer les gamins 3 minutes si je suis pas là à côté de toi, dire les trucs qu'il faut faire. Et... Léonard, lâche ça, c'est pas. Ah, bah, c'est pas vrai, il fait des conneries ce gosse. Clémentine, les dents, c'est fait là? Non, c'est pas fait, bah alors on file. Allez, soyez pas derrière vous là, y'a rien qui avance. Allez, on file. Je confirme. Oui, oh, ça va, c'est bon, Brigitte. Hein. Au moins, épargne-moi tes commentaires. Allez, hop, au lit. Ça me fait quand même marrer, parce que Paul, c'est un type qui a franchement rien d'un macho. Hein. Il n'est pas du tout du genre à dire que c'est aux femmes de s'occuper des gamins, etc. Mais malgré tout, coucher les gosses pendant que je sors sur Internet, ça relève d'un truc, mais totalement hors du commun. Qu'est-ce qu'il y a, Octave? Mais il y a papa qui demande où sont rangés les pyjamas de Léonard. Il dit qu'il trouve rien dans cette maison. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, ça va, j'ai compris. Je monte. Allez, viens, Octave. Tu sais pas où ils sont rangés, toi, les pyjamas? Vas-y, dans l'armoire. Bah, tu peux pas le dire à papa? Si, mais j'ai envie que ce soit toi qui me lise mon histoire. Voilà, je suis le point central de cette famille, celle sans qui on ne retrouve pas un pyjama et on peut pas lire une histoire. Des fois, j'aimerais bien être une mère virtuelle. Ah. Sur Facebook, les gens racontent leur vie, mais ils demandent rien. Facebook, c'est rempli de gens autonomes. Oh, bah ça fait quand même du bien quand ça s'arrête, la marmaille. Bah parce qu'ils sont mignons, mais oh là là, fatigants par moments. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu fais, ma puce? Non, mais c'est pas vrai, t'es de retour sur Facebook. Non, mais t'es vraiment une droguée aux réseaux sociaux, hein. Tu m'inquiètes, là, Brigitte. Oh, mais Paul, arrête avec ça. Mais non, j'arrête pas. Facebook, c'est la mort des relations entre les gens. On se parle plus. Va bientôt falloir que j'ouvre un compte pour discuter avec ma femme. Mais non. Bah, si, évidemment. Là, on pourrait être tous les deux, peinards, en train de discuter, prendre un café. Ouais, tu veux faire un Scrabble, c'est ça? Ça va, c'est bon, te fous pas de moi, tu vois très bien ce que je veux dire. C'est une abomination, ce Facebook. C'est que des gens tout seuls qui racontent leur vie tout seuls. Ça va, on est en 2015, Paul Tornade, arrête de jouer les réacs. Mais je joue pas les réacs. Mais ça te choque pas, toi, d'être là, en train d'espionner la vie des autres au lieu de vivre la tienne? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu disais. Tiens, regarde, c'est Hélène. Ils sont en vacances en Floride, c'est cool, non? Les petits nagent avec les dauphins. Hein? Ah ouais. Bon, bah ça nous fait une belle jambe. C'est quoi cette liste-là? Ah, tes amis, hein? Alors t'as qui dans tes super amis virtuels? Véronique, ouais, bon. Karine, évidemment. Olivier, il est sur Facebook, lui. Ouais, j'aurais pas cru. Ça, c'est qui, ça? Bah, Jean-Paul? Non, mais c'est une blague. T'es amie sur Facebook avec ton boss? Bah ouais, regarde, il publie plein de trucs sympas. Non mais Brigitte, je m'en fous là. Le type, ça fait 3 fois qu'il te refuse une augmentation et toi, t'es amie avec lui sur Facebook. C'est complètement grotesque. Hein. Mais Paul, c'est ami Facebook. Hein. On va pas partir en week-end ensemble, je te rassure. Oui, bah je vois pas l'intérêt de passer ta soirée là-dessus alors. Tiens, c'est pas une photo de Laurent, ça? Si. Ah, il est pas mal là. Tiens, hop, ouais. Je like. Tu quoi? Je like, ça veut dire que j'aime bien puis ça fera plaisir à ta mère comme ça. Pourquoi ma mère? Quel rapport? C'est sur sa page, c'est elle qui publie la photo. Quoi? Bah, t'es amie avec ma mère d'abord, toi. Alors, première nouvelle. Toi qui dis toujours qu'elle te fait chier, c'est la meilleure. Ah, bah oui, elle me fait chier, mais là, c'est sur Facebook, ça n'a rien à voir, hein. Tant qu'elle reste sur Facebook, ça me va. Mais attends, mais pourquoi ma mère publie une photo de Laurent? Bah, j'imagine qu'ils sont ensemble, regarde. Sur la plage à Arcachon. Quoi? Week-end coquin à Trouville. Quoi? Mais attends, ma mère est avec Laurent, mais attends, c'est mon pote d'enfance, là. Ferme-moi cette page, là. C'est immoral. Qui peut avoir accès à ça? Bah, ses amis, moi, les gens qui la connaissent, et puis comme je like, bah, mes contacts aussi. Ah, donc, Par exemple, Jean-Paul, ton boss, est au courant que ma mère se tape mon ami d'enfance. Oui, sauf que c'est Facebook, Paul, donc tout le monde s'en fout. Hein. Ah oui, mais moi, je m'en fous pas du tout, Brigitte. Tu cautionnes ça en plus, toi. Non, mais comment t'as dit déjà, tu likes? Bon, ça va, remets-toi, ça fait un moment quand même. Oui, bah sauf que moi, je débarque. Hein. Donc, excuse-moi, le choc est un petit peu violent d'apprendre que, 1, ma mère sort avec mon pote, 2, toute la terre est avertie sauf moi, 3, ma femme like l'info, mais à part ça, c'est moi qui débloque. Tu m'en aurais parlé quand de ce plan foireux? Bah, j'en sais rien, t'as qu'à me demander comme ami sur Facebook, hein. J'ai rien à cacher. T'es quand même incohérent comme type, hein. Tu me fais un foin depuis une heure sur les réseaux sociaux qui isolent les gens, mais au final, tu te plains d'être au courant de rien. Pose-toi des questions, Paul. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Colère, avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Anna et Samuel Cageman, et la voix de Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Cossille.